Chapitre 9e, le trousseau. Il ne fallut guère de temps à du Tilleul pour se rendre chez Josette Roset. En fait, il s'offrit même le luxe de prendre le bus, et le trajet se révéla fort agréable. Du Tilleul avait toujours adoré les bus parisiens, parce qu'ils étaient toujours associés à des souvenirs heureux. Au fil des années, il avait dû emprunter à peu près toutes les lignes, mais le 87 avait sa préférence. Bien sûr, celui-ci, traversant le Marais, il fallait avoir du temps. Mais Du Tilleul admirait toujours l'adresse des chauffeurs. Il descendit presque à regret. Il était parfaitement à l'heure, ce qui lui plut. Il détestait se faire désirer. Il était bien placé pour savoir que la venue d'un commissaire de police générait des anxiétés, et il ne voulait pas inquiéter inutilement Josette Roset. L'immeuble était situé à un jet de pierre de l'arrêt, ce qui devait être fort pratique pour une dame dont la cheville était foulée. Il admira le bâtiment en pierre de taille et appuya sur l'interphone. Visiblement, Josette Roset attendait sa venue, car elle lui répondit tout de suite. Elle habitait au second étage. Du Tilleul entra alors dans un immeuble qui aurait pu être le jumeau du sien. La même propreté irréprochable, un splendide plancher en chêne, un tapis moquette au joli motif cachemire, et enfin, trônant tel un potentat, un ascenseur vénérable à la machinerie apparente. L'ensemble avait été si intelligemment sécurisé que l'engin n'avait pas eu à souffrir. On l'avait visiblement traité avec le respect dû à ses années de bons et loyaux services. Du Tilleul l'emprunta, plus par jeu qu'autre chose, puisqu'il aurait largement pu monter les deux volets de marche. Il se laissa donc enfermer dans la magnifique cage de verre, appuya sur un bouton en cuivre, et l'ensemble s'éleva dans les airs sans un bruit. Le voyage fut très court, mais Du Tilleul ne le regretta pas. Josette Roset l'attendait sur le pas de la porte. C'était une petite femme au physique assez quelconque, mais dont les yeux noisettes recelaient une grande douceur. La dame, pensa Du Tilleul, devait être aussi encline à rire qu'à gronder. Elle l'accueillit d'une voix douce en lui proposant d'entrer et de s'installer au salon. « Nous y serons mieux, c'est la pièce que je préfère, car elle est vraiment agréable. » En effet, l'endroit était clair et lumineux, et surtout pas surchargé de meubles, ce que détestait Du Tilleul. Le canapé de place et les fauteuils étaient modernes. Sur la table basse, une jolie théière en porcelaine blanche attendait. Il y avait peu de décorations sur les murs, en dehors d'une affiche publicitaire sur laquelle une superbe jeune fille posait, entourée de fleurs aux nuances délicates. C'était l'image même du bonheur, et Du Tilleul ne put s'empêcher de prendre son temps pour l'admirer. Les yeux semblaient immenses, impression sans doute renforcée par un discret maquillage. Les dents étaient parfaites, joliment plantées. La peau faisait penser à la douceur d'une pêche. En bas à droite, il pouvait voir un flacon délicatement ouvragé et le nom d'un grand parfumeur. Ce qui touche à beaucoup Du Tilleul dans la photo, c'est que l'on avait renoncé à tout chichi inutile. Pas d'accessoires ni de bijoux. La jeune fille portait un simple t-shirt à manches courtes en coton jaune pâle et ce que l'on devinait être un simple jean. « C'est Marie, n'est-ce pas ?» demanda doucement Du Tilleul pour ne pas briser la magie de l'instant. « Oui, » répondit Josette Roset dans un souffle, comme s'il était noué par l'émotion. « Elle était effectivement très belle. Oh, il n'y avait pas que cela. J'ai gardé cette photo car elle reflète à merveille ce qu'était Marie. » Je me souviendrai jusqu'à mon dernier souffle, du jour où elle est arrivée à l'institution. Naturellement, le juge Gerbier m'avait prévenu. Dans ces cas-là, il faut vraiment s'attendre à tout et surtout, bien souvent, hélas, au pire. Rien cependant ne m'avait préparé à accueillir cette ravissante petite fille, si propre, si sage. On aurait cru ces poupées que l'on offre parfois à Noël, avec tous leurs trousseaux. J'ai eu l'impression curieuse qu'on venait de la sortir de l'emballage, juste pour moi. C'était vraiment étrange. Malgré les heures passées au commissariat, elle sentait encore l'eau de Cologne, et comme Gerbier, j'ai tout d'abord cru à une erreur. Ce ne pouvait être qu'une erreur. Elle était si soignée. Vraiment pas le genre de petite que j'avais l'habitude de recueillir. J'ai pris grand soin à inspecter la valise. Celle-ci était vraiment horrible. Une vilaine teinte moutarde. Tous les vêtements étaient de très bonne facture. Je n'ai pas été longue à constater qu'il y avait deux tailles différentes. Bien sûr, ce fait aurait dû m'alerter sur la réalité de l'abandon. Mais que voulez-vous, monsieur le commissaire, quand on ne veut y croire ? Rapidement, toutefois, j'ai dû me rendre à l'évidence, puisque personne ne venait la réclamer. Croyez-moi, ce fut particulièrement dur. Dans ce métier, malgré qu'on nous le défende expressément, on ne peut s'empêcher d'avoir des montées d'indignation. J'imagine que vous devez en avoir vous aussi, donc inutile de vous faire un dessin. J'ai vu des enfants arriver avec la peau du dos en lambeaux, d'autres auxquels il fallait plusieurs bains pour ne serait-ce qu'arriver à déterminer leur couleur originelle, des petites filles déjà déflorées. Pour Marie, heureusement, il n'y eut rien de ce genre. J'ai tout de suite vu qu'elle avait été bien traitée, mais c'était peut-être encore pire. Cela me paraissait si injuste. Elle avait tout ce que des parents, même les plus exigeants, pouvaient désirer. À son arrivée, comme tous les nouveaux arrivants, je l'ai fait mettre sous surveillance parce que j'ai tendance à me méfier de Lockidor. J'ai eu tellement de mauvaises surprises. Si les enfants agités donnent du souci, les enfants trop calmes en donnent bien plus encore. Car bien souvent, cela dissimule des rancœurs cachées qui ressortent à l'adolescence. Pourtant, ce ne fut pas le cas de Marie, dit doucement du Tilleul. Non, aussi incroyable que cela puisse paraître. Nous en avons eu tout de suite la confirmation. J'étais en charge à l'époque d'un certain Lorrain Gentot, un garnement pas méchant mais qui ne tenait pas en place. Il ne se passait pas une journée sans qu'une dispute éclate. Du jour où Marie est arrivée, il a régné une paix dont je n'avais jamais été le témoin jusqu'alors. Elle acceptait si bien son sort. Du coup, pour la récompenser, je l'ai autorisée à conserver son trousseau et croyez bien que tout le personnel a eu à cœur d'en prendre le plus grand soin. C'était d'autant plus facile que Marie était soigneuse. Elle savait comme personne éviter le tumulte, sans pour autant être passive ou renfermée. Elle m'avait simplement demandé la permission d'avoir une tenue de jeu, car elle adorait participer à la balle aux prisonniers. J'accédais de bon cœur à sa requête, parce qu'elle était vraiment amusante dans son short trop grand. J'étais contente qu'elle prenne part à des activités collectives. Elle n'était pas peureuse. Elle était parfaitement capable de se défendre, même s'il n'y avait jamais la moindre méchanceté. Assez vite, malgré tout le soin que nous en avons pris, le joli trousseau est devenu trop petit, bien qu'il ait tout de même duré presque 3 ans. Tout ayant été très minutieusement étudié, ce répit fut bienvenu, mais quand les vêtements furent vraiment devenus trop petits, j'ai ensuite veillé à ce que Marie soit le plus joliment mise possible, même si ce n'était pas tout à fait en accord avec la politique de l'époque. Comme Marie se comportait toujours très bien, je pouvais bien lui accorder cette petite faveur. « Qu'est devenu le trousseau ?» demanda doucement du Tilleul. Josette Rosay sembla se troubler. Ses joues se colorèrent joliment. « Eh bien, je l'ai conservé. Je sais que c'est parfaitement stupide, voire même égoïste, mais je ne pouvais supporter de le voir porté par d'autres petites filles. C'était tout simplement trop dur. Pourriez-vous le ressortir ?»« Si vous le voulez. Mais je crains qu'il ne vous apprenne pas grand-chose. Voulez-vous que j'aille le chercher tout de suite ?»« Non, non. Nous verrons cela tout à l'heure. Il n'y a pas d'urgence. Dites-moi plutôt comment se débrouillait Marie sur le plan scolaire. » « Oh, elle était très appliquée. Elle aimait aussi beaucoup le sport, notamment la natation, le basket et la course. Elle possédait aussi une bonne logique. Là où cela pêchait en revanche, c'était en rédaction. Elle était plus que moyenne. Pauvre petite, elle était totalement dépourvue d'imagination. Il lui fallait constamment un modèle, un repère, un point d'appui, sans quoi elle était perdue. Tant qu'il s'agissait d'apprendre, cela allait tout seul. Elle avait une excellente mémoire. Cependant, dès qu'il fallait se projeter dans l'avenir, c'était une toute autre affaire. Elle en était tout simplement incapable. Elle se mettait à paniquer, à blêmir. C'était bien sûr lié à son histoire. Ma prochaine question va sans doute vous paraître bien embarrassante, mais comprenez bien que je me dois de la poser. Pourquoi ne pas avoir proposé Marie à l'adoption? Vous avez dit vous-même qu'elle avait tout ce que des parents, même les plus exigeants, pouvaient désirer.